On croit tout connaître du destin de Jeanne d'Arc. Mais qui était vraiment cette héroïne malgré elle? Déambulez dans Don Rémy, son village natal. Découvrez la maison de son enfance, les moments clés de son histoire, dans un tout nouveau parcours de visite. De l'intime à l'universel, reconstituez les multiples facettes de Jeanne la Pucelle. Plus d'infos sur maisonjeannedarc.vauge.fr. De recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. On est pas lent là ici. Hein, on est pas lent là nous chez nous. Ça remue. Alors attendez, il est midi, on est sur la place du village. Est-ce que ça remue? Là, c'est fini, là, maintenant, à midi, c'est fini. Mais non, non, on prend le temps, quoi, c'est tout, on prend le temps de vivre. Non, c'est vrai qu'il y en a qui se moquent un petit peu, parce que, ben, Villeland, ça fait rire un peu. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Plusieurs bons esprits ont commencé de considérer les effets que le coronavirus et la manière dont l'affronte l'humanité pourraient avoir sur les rythmes de nos vies. Nul doute que le confinement ait ralenti au moins pour un temps l'allure de nos existences, en dépit des promptitudes qu'autorisent les nouvelles technologies. Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, avait choisi pour eux la devise « Situs altus fortus », c'est-à-dire « plus vite, plus haut, plus fort ». Mais justement, symboliquement, ces Jeux les voilà mal en point. L'écologie met en garde contre l'exaspération des tourismes de masse. L'aviation et ses obsessions supersoniques subissent un déclin imprévu. La marche à pied et la bicyclette trouvent une popularité tout à coup accrue. L'idée d'une accélération de l'histoire, naguère admise comme une évidence, a du plomb dans l'aile. Le moment est venu de s'interroger sur la confrontation de la lenteur dans le long terme avec la vitesse. Une lenteur dénoncée, dénigrée, combattue depuis le 19e siècle en particulier, comme une résistance à toutes les forces de l'industrie conquérante. Mais une lenteur qui a souvent porté haut les valeurs de la liberté, en protestant contre tous les censeurs qui voulaient l'assimiler à la paresse. C'est la démonstration que développe Laurent Vidal, professeur à l'université de La Rochelle, dans un livre prémonitoire, puisqu'il est paru en janvier dernier, juste avant la crise sanitaire. Un livre qui s'intitule précisément « Les hommes lents » et qui porte le sous-titre « Résister à la modernité ». Comme France Culture offre depuis toujours à cette émission la possibilité de ne jamais se précipiter, je gage que mon invité va tirer profit du privilège d'une heure entière pour nous convaincre, à loisir, de la validité de sa thèse. Et pour commencer, un propos de Frédéric Taylor, le fameux inventeur de l'organisation scientifique du travail qui porte son nom, le taylorisme, un propos de 1912 tenu devant la commission d'enquête de la Chambre des représentants à Washington et qui a été diffusé dans les chemins de la connaissance de Dominique Rousset et Jacques Munier sur France Culture le 8 janvier 2003. Revoilà ce texte. Dans cet atelier de machines-outils, la presque totalité du travail était payée aux pièces. L'atelier marchait nuit et jour, 5 nuits et 6 jours par semaine. Il y avait 2 équipes d'ouvriers, une de nuit et une de jour. Nous autres ouvriers, nous avions soigneusement convenu entre nous de la production journalière à faire pour tous les travaux de l'atelier. Nous limitions notre production à environ 1/3 de ce que nous aurions pu facilement faire. Nous nous estimions justifiés d'agir ainsi en raison du système de paiement aux pièces. Quand je devins chef d'équipe, les ouvriers qui passèrent sous mes ordres et qui naturellement savaient que j'étais au courant de tout le jeu de limitation délibérée de la production et de flânerie systématique, vinrent me trouver immédiatement et me dire « Maintenant, Fred, vous n'allez pas devenir un de ces damnés chiens de garde, n'est-ce pas ?» Je leur répondis, si vous voulez dire que vous craignez que j'essaie de faire produire à ces tours plus que par le passé, eh bien vous avez raison. Je me propose de leur faire produire plus. Ils me répondirent, vous allez devenir un de ces damnés salauds. Laurent Vidal, bonjour. Bonjour. Les choses sont dites, les choses sont claires. En l'occurrence, et ce texte me paraît pouvoir fournir un bon départ à notre conversation sur l'affrontement entre la lenteur et la vitesse, un affrontement dont nous allons tâcher d'éclairer toute la portée. Oui, c'est pour moi, c'est presque l'aboutissement de plusieurs siècles de débats, de discussions, et c'est l'aboutissement dit et présenté comme étant scientifique avec cette victoire d'une organisation cadencée du travail. Pour le comprendre, il faut justement remonter le fil du temps et comprendre comment s'est construite cette figure sociale de l'homme moderne présentée comme un homme prompt, rapide et efficace. Temps moderne, on est renvoyé évidemment au film si célèbre, à juste titre, de Charlie Chaplin, de Charlot, qui montre comment a été érigée, en somme, la domination de la vitesse en modèle de vertu sociale. Oui, et comment, en contrepoint, d'une certaine manière, de ce triomphe de la vitesse, eh bien, l'inadaptation de certains individus qui n'arrivent pas à tenir la cadence peut être aussi un moment où peut offrir des opportunités de subversion. Ou même, et c'est ça qui est fabuleux dans les temps modernes, de libération presque poétique par le changement de rythme. Oui, chacun se rappelle comment cette poésie intervient dans le film, quand Charlot tout à coup échappe. C'est ça, il sort de cette roue crantée, et c'est comme s'il avait deviné de l'intérieur comment fonctionnait le monstre qui l'asservissait, qui l'obligeait à cadencer ses gestes, à tenir le rythme, et on voyait bien qu'il n'y arrivait pas, et soudain il en sort presque hébété, et le voici serrant, continuant à serrer des boulons, alors il serre un nez, il serre un bouton de jupe, et il y a quelque chose d'assez fabuleux et véritablement prémonitoire aussi dans cette lecture que fait Chaplin. On pense à Bergson sur le rire, du mécanique plaqué sur du vivant, c'est exactement ça. C'est ça. Alors il faut que nous revenions en arrière, que nous essayions, Laurent Vidal, de comprendre comment ce type d'opposition a pu se définir au long des siècles. J'aime assez commencer par une réflexion sur le terme lui-même de lenteur. Vous y attachez dans votre livre. D'où vient le mot lenteur? Il paraît tout simple, mais en réalité, il a une charge très complexe. Oui, c'est une très longue histoire, à vrai dire. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Comment j'ai décidé de travailler sur cette histoire? C'est une découverte d'un texte qui m'a véritablement, je vais utiliser ce terme, tarabusté, des années durant. Un très court texte d'un géographe brésilien, mais d'un très grand intellectuel à qui on a attribué d'ailleurs le prix Nobel de géographie, à l'équivalent du prix Nobel de géographie. Milton Santos, c'est lui. Milton Santos. Et un très court texte qui dit « La force est du côté des lents ». C'est presque métaphorique, mais je trouvais ça très beau. J'ai découvert ce texte il y a une dizaine d'années. Et cette idée des lents, de l'opposition, de la force vue des lents, m'a longtemps travailler, jusqu'au jour où quelques vers d'Aimé Césaire me sont revenus en mémoire. Dites-les-nous. Alors, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, mais ceux sans qui le monde ne serait pas le monde, véritablement les fils aînés du monde. Et si c'était ça l'élan? Et si c'était ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, mais qui finalement font aussi partie du monde? Et qui pourtant sont les laissés pour compte du processus d'accélération de la vie sociale. Et qui sont des laissés pour compte. Alors, je suis parti en quête, véritablement, de ce processus qui a permis l'élévation de la vitesse au rang de figure de réussite sociale. Et j'ai utilisé, alors en suivant, là je peux dire très clairement, l'invitation de Lucien Febvre, partir en quête de l'évolution du sens des mots, chercher et vérifier comment les mots fluctuent et évoluent dans leur définition, comme il avait fait pour le mot définition, pour le mot civilisation, eh bien, moi je suis parti là-dessus avec le mot lenteur. Eh bien, si vous êtes parti là-dessus, je voudrais vous accompagner, restituer, si vous le voulez bien, cette histoire d'un mot, les origines, le développement de l'expression de lenteur et de ses synonymes. Alors ce mot, c'est d'abord le mot latin, le lentus, qui est un mot utilisé comme adjectif pour être appliqué à la nature dans son ensemble. Le mot lentus, il renvoie à ce qui est mou, à ce qui est souple. Visqueux, malléable, et très rarement, c'est-à-dire qu'il décrit une situation, et très rarement, du moins le mot latin, renvoie aux hommes. Et là, quand il renvoie aux hommes, il renvoie à une situation un peu apathique. Donc il y a un petit peu ce côté négatif. Et lorsque le mot, les langues romanes commencent petit à petit à introduire, à partir du 11e, 12e siècle, dans leur lexique, bien des mots qui dérivent du lentus, on a le mot lent en français, on a le mot lento en espagnol, en portugais, etc. Eh bien, elle l'intègre avec l'ensemble de ses acceptions. Sauf que, fin 16e, début 17e, tout ce qui renvoie à la nature est abandonné et l'adjectif lent n'est plus utilisé que pour qualifier de manière discriminante des attitudes humaines. La nature tout de même renvoie encore à des animaux, on voit apparaître l'escargot. Je vois que vous citez la Summa Praedicantium de 1586 de John Bromyard qui dit que certains gravissent les degrés du péché d'acédie, enfin, il faut y venir parce que d'acédie c'est la paresse, comme l'escargot dont on rapporte qu'il a grimpé à un arbre en une demi-année jusqu'à ce qu'il tombe sous l'effet d'un petit souffle de vent. Au fond, la lenteur, c'est le vice secondaire de la paresse. Exactement. Et celui qui, le premier, a proposé un petit peu cette lecture, c'est Guillaume Perrault, un théologien, qui, au XIIe siècle, en travaillant justement et en présentant les différents péchés capitaux, a présenter donc l'acédie, puisque c'était le mot, c'est pas le mot paresse qu'on utilise dans un premier temps. Le mot acédie qui est construit sur un mot grec, akédia. L'acédie qui veut dire manque de soin. Et comment petit à petit, eh bien, pour essayer d'expliciter, de donner à voir finalement ce qu'est cette acédie, eh bien, il explique. Ben, l'acédie, ça peut être, pourquoi pas, l'oisiveté, mais ça peut être aussi la lenteur. Donc, cette association à plus tard, on dira la paresse, hein. De la lenteur à la paresse, parce que la paresse n'est pas la lenteur, ça n'a rien à voir. Sauf que sous le regard des théologiens, oui, paresse et lenteur, ou disons que la lenteur est un indice qui permet de témoigner d'une situation de paresse. Et pour mieux donner même à voir et à comprendre, notamment dans ces sociétés chrétiennes de la fin du Moyen-Âge, eh bien, le recours à de l'iconographie dans laquelle on retrouve des animaux qui vont incarner cette paresse, comme l'escargot ou l'âne. Ah, l'âne aussi. L'âne, exactement. Et là, eh bien, ce sont des animaux qui sont associés à la lenteur. Et l'escargot a une particularité par rapport à l'âne. C'est que lui, quand il avance, ou même la limace, il avance lentement et il souille son environnement. La bave. Et il laisse une trace. Et petit à petit, on va voir comment, derrière cette idée de la lenteur associée à certaines catégories d'individus, ces individus sont lents, mais ils font peser sur la société un risque. Ils souillent la société. Métaphore de la bave. Eh oui. C'est la métaphore de la bave. D'autres mots, puisque vous êtes attaché à la richesse du vocabulaire, d'autres mots surgissent. Je vois que le mot lambin, je ne fais que vous lire, surgit en 1584. Et puis le mot lambiné, il a fallu attendre longtemps, entre dans les dictionnaires en 1642. Ça vient de lambeau, non ? Ça vient de lambeau, exactement, ce mot lambin. J'ai essayé de voir comment gravite autour de cet adjectif lent, comment gravite tout un ensemble de mots qui viennent décrire des attitudes qui ne sont pas socialement efficaces. Donc le lambin, le traînard, l'indolent, enfin, etc., etc. Et je me suis amusé à suivre à la trace, véritablement, le surgissement de ces mots dans les vocabulaires des langues romanes ou européennes, disons, d'une certaine manière. Ce surgissement est toujours explicite sur, quant à un regard moral sur la lenteur. Ce regard moral, il s'explique, je dirais, par deux motifs. Le premier, c'est que le moment où se met en place le débat dans l'Europe chrétienne sur les péchés capitaux, c'est un moment également qui correspond à une mise au travail des sociétés. Il y a une injonction pour la mise au travail des sociétés. Donc, d'une certaine manière, la personne prise en état de péché d'acédie, c'est une personne qui ne travaille pas et donc ne contribue pas au bon fonctionnement de la société. Vous pensez que dans l'Antiquité grecque et romaine, il n'en allait pas ainsi ? Si, mais c'était pas de manière aussi systématique, parce que ça va s'ajouter un deuxième élément. Et c'est là véritablement ce qui va donner naissance à ce que l'on appelle la modernité classique. Deuxième élément, c'est le début de l'économie marchande au long cours. Et c'est là où apparaissent en Italie les premiers traités de commerce au long cours. Et ces traités de commerce au long cours nous expliquent que pour faire des affaires, il faut qu'elles soient faites avec promptitude. Le mot latin, c'est promptitudo. Donc, d'un côté, l'économie imprime, alors l'économie marchande, hein, c'est pas tout l'ensemble de la vie économique, mais cette économie marchande qui va tirer, d'une certaine manière, le reste de l'économie, imprime ce rythme de promptitude, et de l'autre côté, le discours chrétien des péchés capitaux, eh bien, dénonce une attitude paresseuse et lente comme une attitude n'aidant pas à la structuration et à l'équilibre de la société. Et de surcroît, la découverte des nouveaux mondes, qui correspond à la période que vous évoquez, va fournir la figure sociale de l'homme lent avec l'Indien paresseux. Oui, alors là, c'est ça. Au moment où se débat, où se rencontrent les discours économiques et les discours religieux, qui contribuent à construire le contour de la figure sociale de l'homme moderne, eh bien, l'Europe découvre, avec beaucoup de guillemets, le nouveau monde et découvre une humanité complètement nouvelle qu'elle va décrire à partir de ses propres catégories d'analyse. Et là, on va retrouver le discours moral. On va retrouver le discours moral parce que justement, ces Indiens, ces Amérindiens sont décrits comme étant paresseux, dormant dans des lits suspendus en l'air, les hamacs. Ah, le hamac prend dans votre livre une place tout à fait considérable. Oui, parce que c'est quelque chose qui fascine absolument les premiers découvreurs et les premiers voyageurs. Et le hamac, parce que le hamac est aussi, parce que tel qu'il est décrit ou représenté, c'est le lieu de la concupiscence. Parce qu'on peut être deux dans le hamac, c'est effrayant. On peut être deux dans le hamac, voilà. Et ça, évidemment que ça effraie, puisqu'en plus on les représente. Donc, ces gens qui ne font rien, en plus, vivent leur temps, une partie de leur temps, dans des lits pendus en l'air, comme ils disent, et se montrent à la vue de tout le monde en train de réaliser leur prouesse amoureuse. Les religieux, naturellement, sont effrayés par tout ça. Je vois que le père Biard, il doit être un jésuite, il écrit au provincial de France en 1611, « Les journées des Indiens ne sont que beaux passe-temps ». Il y a peut-être autant de nostalgie que de blâme, enfin chacun Exactement, peut juger. C'est ça. Leurs journées ne sont que beaux passe-temps, ils n'ont jamais hâte, bien loin de nous, qui ne saurions jamais rien faire sans presse et oppresse. Exactement. Et je trouve que le père Billard, là-dedans, il y a quelque chose, ils disent, mais c'est peut-être un monde perdu. C'est peut-être ici quelque chose vers lequel on pourrait tendre, un mode de vie vers lequel on pourrait tendre. Enfin, et voilà. Et on le sent un peu perturbé dans cette description. J'observe d'ailleurs que peu avant lui, Montaigne, qui s'est tellement intéressé aux cannibales, aux Indiens, écrivait ceci à propos de la vitesse. « Ésope, ce grand homme, vit son maître qui pissait en se promenant. Quoi donc, fit-il, nous faudra-t-il chier en courant ? Ménageons le temps, encore, nous en reste-t-il beaucoup d'oisifs et mal employés. » On aura accepté ces mots un peu brutaux, je crois, étant donné que c'est Montaigne qui les prononce. Je crois que c'est ce que dit Montaigne, c'est le témoignage finalement d'une première accélération qui s'impose à la vie sociale et dont il essaie de lire les effets. Il est aussi intéressant, stimulant d'observer que le débat sur la lenteur entre en littérature et peut-être de façon particulièrement éclatante avec Shakespeare dans Richard III. Qui dit toujours « dépêchons-nous, dépêchons-nous ». Et quand finalement il meurt, il a perdu son cheval. Mon royaume pour un cheval, il est à pied, il ne peut plus aller vite. Et c'est le moment où il n'est plus rapide, où il perd la vie. C'était la vitesse et la vitesse qu'il imprimait à la journée où il voulait renverser son frère et accéder au pouvoir, la vitesse qui était son allié, et bien soudain, cette vitesse personnifiée par son cheval, le lâche, et sur le champ de bataille, il n'a plus son cheval, et voilà qu'il est mortellement blessé. Là, Shakespeare touche quelque chose d'important. L'association entre vitesse et pouvoir. Il touche du doigt cette idée. Et ça, c'est extrêmement fort. Et on va le retrouver, presque à la même période d'ailleurs, chez Cervantes, avec Don Quichotte. Don Quichotte qui se promène d'un pas lent dans la cour se demandant comment faire pour redonner forme et naissance au monde de la chevalerie. Et le voici, soudain, transporté sur un chariot à bœufs. Et transporté sur un chariot à bœufs, Don Quichotte s'interroge. Mais je croyais que les chevaliers étaient faits pour être poussés par des hippogriffes, qui sont ces animaux fantastiques, ailés et qui vont très vite. Et me voici transporté sur un chariot à bœufs. Oui, il parlait des chevaliers errants, de bien graves et bien authentiques. Mais jamais je n'ai lu ni vu, stupéfaction de Don Quichotte, ni ouï dire qu'on emmenât ainsi les chevaliers enchantés avec la lenteur que permet le pas de ces paresseux et tardifs animaux. Et il ajoutait, en effet, on a toujours coutume de les emporter par les airs avec une excessive rapidité, enfermés dans quelques nuages obscurs ou portés sur un char de feu, ou montés, nous y voilà, sur quelque hippogriffe. C'est exactement cela. Et il termine en disant, mais peut-être que ceci est une chose de des temps modernes, « nuestros tiempos », dit-il. C'est-à-dire qu'il a cette conscience que quelque chose a basculé. Et il témoigne de cette bascule. Se rejoue une partition du sensible, si on reprend cette expression, dont il est à la fois le témoin et peut-être aussi l'acteur. Nouvelle partition du sensible entre ceux qui détiennent donc la vitesse et ceux qui, au contraire, sont submergé par cette vitesse, n'arrive pas à tenir le rythme qu'imprime cette vitesse. C'est un thème qui va continuer de courir et je vais vous donner un autre exemple avec une archive qui est extrait du livre qui s'appelait Oblomov, personnage éponyme de Gontcharov, mis en scène ici par Marcel Cuvelier en 1963 avec Cuvelier dans le rôle d'Oblomov, d'après le roman qui remonte à 1859. C'est un dialogue, vous allez voir, entre Oblomov et son ami Stoltz qui incarne chacun un des deux points de vue. Je m'installerai dans une maison nouvelle, dans le plus grand confort. J'aurai de bons voisins. Toi, par exemple. Mais non, toi, tu bouges tout le temps. Et qui ferais-tu dans ta maison? Eh bien, je me lèverai de bonne heure. Ah. Oui. Donc, je me lève. Ma femme dort encore. Je passe une vieille robe de chambre. Je descends dans le jardin. J'aide le jardinier à tailler un rosier. Je cueille un bouquet pour ma femme. Puis, je reviens dans la chambre. Ma femme est levée. Le thé est prêt, dit-elle. J'offre mes fleurs, je l'embrasse, je m'assieds. Quel baiser, quel thé, quel fauteuil. Il y a de la crème fraîche, du beurre, des biscuits de toutes les sortes. Et puis, je passe une veste large, je prends ma femme par la taille, et nous allons dans les allées ombreuses, lentement, silencieux, ou presque. Nous rêvons, nous comptons les battements de nos cœurs. Nous arrivons à la rivière, nous montons dans une barque, ma femme prend les rames. Et tu es poète, il y a. Déjeuner, moka et havane sur la terrasse, on plaisante sans méchanceté, on discute sans conclusion hâtive ou péremptoire. Si quelqu'un me déplaît ou déplaît à mes amis, c'est bien ça, je ne le reçois pas. Oui, mais c'est la vie de ton père ou celle de ton grand-père que tu me décris là. Est-ce que ma femme fait des conserves ou des confitures? Non, c'est vrai, elle rame et elle sert le thé. Et puis pour mes amis et pour moi, elle joue du piano, elle chante. Elle aime Johnny Vaux, naturellement. Et elle chante Casta Diva. Continue. Il n'y a rien à continuer, la journée est finie, tout le monde va se coucher. Le lendemain. On recommence. Hein, qu'en penses-tu? Et tu vivrais longtemps ainsi. Jusqu'aux cheveux blancs, jusqu'au tombeau. Est-ce que ce n'est pas une vie? Non, ce n'est pas une vie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'oblomovtchina. Stupéfaction de l'ami Oblomov, Laurent Vidal, sa stupéfaction se confond avec une indignation. Ce que représente Oblomov, c'est un monde qui disparaît. Et c'est ce monde de l'aristocratie aussi qui est en train de disparaître et qui disparaissait aussi en Europe petit à petit au XVIIIe siècle, justement poussé par cette bourgeoisie conquérante qui, elle, avait fait de la maîtrise, de la vitesse, de la domination par la vitesse, eh bien, instrument de domination. Sociale. C'est l'opposition chère aux Romains entre osium et négocium. Oui, exactement. Le loisir et le... Et c'est là ce qu'incarne Oblomov, c'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance en disant comment on va retrouver aussi dans la littérature libertine du XVIIIe siècle où la lenteur devient une forme de résistance et de réexistence dans ce monde complètement capturé par la rythmique bourgeoise, industrielle, etc. Donc c'est le moment aussi où arrive... 19e siècle, va arriver la machine à vapeur. Et évidemment, c'est essentiel. James Watt, on peut aller de James Watt à François Arago. François Arago présentera ce qu'il appelle le siècle de Watt, qui va transformer nos sociétés, dit-il, par la machine à vapeur. C'est l'homme qui a mis au point. Alors évidemment, il y a Denis Papin, il y en a d'autres auparavant. Un Français, mais enfin passons, mais sur, ce, passons sur cette fierté nationale. Mais, et ce que montre François Arago, c'est de dire que finalement la vapeur va devenir un nouvel acteur social. Et c'est là où je crois il touche du doigt quelque chose d'essentiel, ce basculement dans la modernité industrielle. Autant ce qui s'est passé auparavant, ces débats sur les péchés capitaux, le débat sur les traités de commerce, la promptitude, la construction de la figure sociale de l'homme moderne, c'est une sorte de toile de fond philosophique. Mais là, maintenant, un nouvel acteur entre en scène à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est bien cela, on entre dans le siècle de Watt, où on entre dans un âge mécanique, nous dit également un autre observateur anglais de cette époque. C'est un nouvel âge, et ce nouvel âge va transformer complètement le travail, la cadence du travail, parce que désormais, ce travail, pour qu'il soit réalisé avec efficacité, il va falloir qu'il soit chronométré. Oui, et d'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que disait Arago, la grande famille d'Arago, homme d'action, homme politique et homme de science, qui, dans son article sur James Watt en 1854, disait ceci. Vous allez voir que ça sonne très, très contemporain, en fait. Dans quelques années, grâce aux découvertes de Watt, tous ces sybarites, incessamment poussés par la vapeur sur des chemins de fer, pourront visiter rapidement des différentes régions du royaume. Ils iront dans le même jour, on croirait déjà le Falcon, ils iront dans le même jour voir appareiller notre escadre à Toulon, déjeuner à Marseille avec les succulents rougets de la Méditerranée, plonger à midi leurs membres énervés dans l'eau minérale de Bagnères, et ils reviendront le soir, par Bordeaux, au bal de l'Opéra. Il parle évidemment des trains hein, qui commencent à se mettre en place, donc ce réseau ferré qui commence à se mettre en place en France. Oui, c'est Verlaine qui disait « le paysage dans le cadre des portières court furieusement ». Furieusement. Ça, c'est justement la vitesse et l'expérience de la vitesse transforme complètement la perception de l'environnement. Verlaine en parle, Proust également, qui pour le Figaro va quelques années plus tard, va raconter un voyage en voiture. Donc c'est quelque chose qui montre que cette vitesse, elle fascine. Il y a quelque chose de l'ordre de la fascination. Et les technologies nouvelles, la vapeur, les moteurs permettent d'accélérer de plus en plus le rythme de la vie et transforment la perception du paysage. Le moment de la Révolution française est intéressant, je crois, parce que il y a à la fois un sentiment de précipitation, comme si l'histoire s'accélérait, on n'emploie pas encore l'expression, et aussi chez certains, je pense à Boissy d'Anglas et d'autres, le désir de ralentir le mouvement des choses. Après tout, nous ne sommes pas des frénétiques. Oui, et c'est là où, je crois, va se rejouer aussi une tension. Hein, c'est un champ de force, ce moment, ce grand temps de la Révolution. Ce n'est pas qu'une sorte, ou qu'une, on ne peut pas en faire une simple lecture de précipitation. Au contraire, lorsque, au moment de la convocation des États généraux, on explique aux députés des États généraux qu'il faut qu'ils prennent de toute urgence une décision, sinon les finances du royaume seront anéanties, eh bien, quelques voix commencent à s'élever parmi les députés du tiers-État, disant « Attendons, prenons le temps de réfléchir, nous ne sommes pas là pour régler un simple problème passager, nous sommes là pour penser à l'avenir. » Boissy d'Anglas, songez que vous travaillez pour les siècles futurs et ne craignez pas de consommer quelques instants dans une attente même inutile. Les partis précipités et violents sont le partage de la faiblesse. Mais ceux qui ont un pouvoir étendu ont aussi l'avantage de retarder l'instant où ils doivent le déployer. Je trouve qu'au moment, à l'époque et la nôtre, des nouvelles technologies, cette citation mérite d'être donnée. Absolument. Ce que montre Boissy d'Anglas dans sa déclaration, c'est que finalement, il faut chercher par des ruptures de rythme à ouvrir le temps différemment pour permettre à la pensée de se déployer et pas simplement d'accompagner ce rythme mécanique qui domine de plus en plus la pensée, qui l'empêche d'être de plus en plus critique d'une certaine manière. Et c'est pour ça que tous ces moments de crise que l'on peut identifier depuis la fin du Moyen Âge, il y a l'introduction de la machine à vapeur, les révolutions, pas simplement la Révolution française, c'est ce qu'on appelle l'ère des révolutions atlantiques un petit peu partout. Eh bien, ce sont des moments justement de reconfiguration de ces rapports de rythme. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est relire de manière rythmique l'histoire de la modernité classique à la modernité industrielle, modèle de lecture des sociétés occidentales, eh bien, c'est aussi un jeu rythmique particulier. Et c'est l'imposition, moi, ce que je montre tout au long de cet ouvrage, eh bien, de ce rythme prompt, rapide, qui devient symbole d'efficacité sociale. On trouve toujours cette opposition dans une œuvre fameuse qui est celle de Büchner, vous savez, le grand auteur allemand qui est mort prématurément, et dans son Voitsek, dont Alban Berg a tiré le fameux opéra qu'on connaît au XXe siècle. Georges Büchner, en 1837, dans Voitsek, oppose précisément un capitaine qui est celui de la lenteur, de l'oisiveté, à un Voitsek un peu fruste qui s'obsède sur la promptitude. Écoutez cette dialogue. Voitsek est en train de raser le capitaine, ce qui permet une conversation. C'est un extrait qui a été diffusé sur France Culture le 14 avril 2013. Lentement, Voitsek. Lentement. Une chose après l'autre. Il me donne complètement le vertige. Que pourrais-je bien faire des 10 minutes qu'il aura gagnées aujourd'hui ? Voitsek, qui y songe ? Il a encore ses 30 bonnes années à vivre, 30 années ! Ça fait 360 mois, et des jours, et des heures, des minutes. Que va-t-il faire de tout ce temps monstrueux ? Qu'il s'organise, Voitsek. Oui, mon capitaine. Je suis complètement saisi d'angoisse pour le monde quand je pense à l'éternité. Une occupation. Voitsek, une occupation. Éternelle. C'est éternel. C'est éternel, ça. Tu t'en rends compte ? Et puis voilà. Ce n'est plus éternel. Et c'est un instant. Oui, un instant. Voitsek. Ça me donne des frissons quand je pense qu'en un jour, le monde tourne sur lui-même. Quel gaspillage de temps. À quoi cela mènera-t-il? Wojciech, je ne peux plus voir la roue d'un moulin, ça me rend mélancolique. Oui, mon capitaine. Quand je suis étendu près de la fenêtre quand il a plu, et que je suis des yeux les bas blancs en train de sautiller par les ruelles, malédiction, Wojciech, l'amour me prend, moi aussi. Je suis de chair et de sang, mais Wojciech, la vertu. La vertu. Il y a encore quelque chose qui m'échappe. Vous voyez, nous, les gens ordinaires, ça n'a pas de vertu. C'est seulement la nature qui nous pousse. Ça doit être quelque chose de beau, la vertu, mon capitaine. Bien, Wojciech. Cette conversation m'a complètement épuisé. Et va maintenant. Et ne cours pas comme ça. Lentement. Bien lentement. Jusqu'en bas de la rue. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. On voit bien Laurent Vidal dans cet extrait de Büchner, comment la question de la lenteur n'a pas cessé de s'entrelacer avec la question morale et finalement à la question sociale de la supériorité, les oisifs et les autres. Exactement. Ce que représente Wojciech, c'est ça. C'est le genre du peuple qui arrive sur la scène sociale et qui sont un peu désemparés. Cette pièce de Büchner, c'est peut-être l'une des premières pièces qui véritablement présente cette situation d'incompréhension des gens du peuple sur la scène sociale. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il dit « je suis poussé par la nature ». Donc, il intègre presque le discours de naturalisation des comportements, comme si le capitaine, lui, était poussé par la raison. Hein, il y a une sorte de partition entre l'homme de raison, le capitaine, et l'homme animal, d'une certaine manière, qui fonctionne à l'instinct. Et ce Wojciech, c'est ça. Et c'est ces gens, on n'a plus affaire aux Indiens du Nouveau Monde, on n'a plus affaire aux esclaves présentés comme indolents, on a affaire aux pauvres gens, aux pauvres bougres, qui arrivent dans les grandes villes, par exemple, industrielles, qui arrivent et qui ne savent pas comment s'adapter aux nouvelles normes, aux normes de civilisation, exactement. Et d'ailleurs, j'ai découvert un tout petit peu avant, mais une sorte de chanson anglaise qui s'appelle Slow Man of London et qui va connaître différentes versions jusqu'au début du XXe siècle. Slow Man, ça veut dire les hommes lents, mais ça vient d'autre chose. Slow, semble-t-il, vous le dites. Oui, sloth qui vient de paresse aussi. Ici, on retrouve notre association entre paresse et lenteur. Mais les Slow Men of London, c'est les gens qui sont les benêts, les gens de la campagne qui arrivent en ville et qui n'arrivent pas à comprendre, qui se font avoir toujours dans des situations les plus incroyables, qui perdent leur gens qui viennent de gagner, enfin, etc. Et ce qui est assez terrible, c'est d'une certaine manière cette ronde des mots qui enferme petit à petit dans une sorte de corset métaphorique, eh bien ceux qui ne sont pas adaptés ou ceux qui ne correspondent pas au modèle de société que veut construire, puisque là nous sommes au 19e siècle, cette bourgeoisie industrielle. Je me demande si le mot de Amish n'est pas en train de passer dans votre tête derrière votre front. Ah mais penché. Moi j'ai une chance absolument fabuleuse avec notre président de la République, puisque bien souvent ce sont des mots, des expressions qui lui échappent, mais c'est justement parce qu'elles échappent qu'elles témoignent de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est un petit peu, si on veut, d'une manière psychanalytique. C'est quelque chose qui ressurgit. Je vous abandonne à la psychanalyse d'Emmanuel Macron, mais j'observe que quand il a parlé de l'opposition entre Amish et les tenants de la 5G, ce n'était pas quelque chose qui lui a échappé. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant du point de vue de l'opposition. Et ça nous ramène à notre sujet. On n'a jamais quitté cette question qui est celle de cette émission ce matin, Laurent Vidal, la lenteur. Et je voudrais vous conduire à nouveau dans les anciens nouveaux mondes, si je puis dire, c'est-à-dire du côté de la colonisation. Et on retrouve, il y a une permanence à cet égard. Souvent, une sorte de complicité se fait entre le fouet et l'horloge. Absolument. Le 19e siècle, où dans le Nouveau Monde, notamment les deux grands pays du Nouveau Monde que sont les États-Unis et le Brésil, ont maintenu l'esclavage quasiment sur la totalité du siècle, eh bien là, on voit très bien que ces pays se sont modernisés dans leur technique de gestion du travail. On trouve dans les plantations du sud des États-Unis des contremaîtres, des plantations esclavagistes, des contremaîtres qui manient à la fois le fouet et l'horloge. L'horloge pour contrôler, pour synchroniser les tâches, parce que c'est ça. Le 19e siècle, c'est pas que le siècle de la vapeur, c'est le siècle de la vapeur et de l'horloge et du chronomètre. Le chronomètre va permettre de synchroniser les gestes. Et toute la difficulté que rencontrent les ouvriers au 19e siècle, c'est comment adapter ces gestes à ces nouvelles cadences. Et en particulier dans les colonies, parce qu'on oppose traditionnellement le blanc rationnel au noir sensuel, etc. Exactement. Le noir, on le renvoie à son incapacité à rationaliser une situation en disant mais c'est quelqu'un qui n'agit que, c'est quelqu'un de sensuel, c'est quelqu'un qui n'agit que par son corps. C'est la nature qui le pousse. C'est un petit peu ce que disait Wojciech. Donc, au moment où l'Europe se relance dans des nouvelles colonisation, notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle, les nouveaux colonisés seront eux aussi décrits comme des indolents. C'est d'ailleurs le grand mot, je dirais, du 19e siècle, le mot d'indolent, que l'on attribue aussi bien aux ouvriers dans les usines des métropoles industrielles que les colonisés d'Afrique. Eh bien, vous allez entendre une archive qui fait écho à celle de Frédéric Taylor que je donnais en commençant. C'est un extrait d'un reportage à l'usine Peugeot-Citroën d'Aunay-sous-Bois, dans les pieds sur terre de Sonia Kronlund, sur France Culture, le 19 novembre 2003. C'est un reportage de quelqu'un que nous connaissons bien à cette émission, et c'est Yaël Mandelbaum. Quand il y a eu l'accord de la RTT, ils ont commencé par supprimer les 5 minutes d'usage, et les 21 minutes de pause, ils les ont divisées en 3. 10 minutes avant le repas, et 8 minutes après le repas. C'est précis, hein ? Ah, c'est très précis. C'est pas compliqué. On commence à 6h46. À 6h46, la chaîne a démarré. Elle s'arrête à 8h20. Elle redémarre à 8h30, 10 minutes plus tard. Elle s'arrête ensuite à 10h55 et elle redémarre à 11h30. Pour s'arrêter ensuite à 13h et redémarrer à 13h08 et finir par s'arrêter à 14h37. Alors en théorie même, elle ne devrait pas s'arrêter. Parce que l'équipe du matin finit à 14h37 et l'équipe du soir commence à 14h37. Donc en fait, l'ouvrier d'après-midi arrive, il prend les outils d'ouvrier du matin et puis voilà, et la chaîne ne devrait pas s'arrêter. C'est-à-dire que s'il y a 309 véhicules pour une équipe à faire dans la journée, s'ils ont fini avant la fin de la journée, la direction laisse tourner la chaîne et puis ça fait 310, 311, 312, 313 véhicules. Et ça, c'est très dur pour les gars parce qu'en fait, sur un poste de travail, il y a une charge donnée. C'est-à-dire que le gars, il a des opérations à faire qui prennent un certain temps. C'est calculé à l'heure. Mais ça, c'est pour un nombre donné de véhicules. Si vous rajoutez des véhicules, forcément, la charge, elle augmente. Mais c'est dit nulle part. Donc pour les gars, ça accroît la pénibilité et la fatigue. Et puis pour le patron, ça augmente ses profits, évidemment. Cette histoire de la mécanisation, de l'organisation scientifique du travail est indissociable de celle des résistances du monde ouvrier qui envoie loin en arrière. Je pense par exemple à la Saint-Lundi, où la volonté souvent des ouvriers de faire moins qu'ils ne pourraient faire. C'est une des formes du dialogue entre la lenteur et la précipitation. Absolument. On peut relire la mise en place des résistances ouvrières de manière rythmique. C'est-à-dire que on peut se rendre compte d'un certain nombre d'inventions, d'instruments rythmiques de résistance. Peut-être que la première forme que l'on va retrouver un petit peu partout, c'est la diminution de cadence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de contremaître qui est là ou de patron pour surveiller, on peut diminuer un petit peu le rythme de travail. On trouve aussi le sabotage. Le sabotage, aujourd'hui, ça fait peur, c'est un mot qui inquiète. Mais d'où vient-il le mot sabotage, de sabot ? Ça vient du sabot, tout simplement. Du sabot qu'on jetait dans les machines pour arrêter les machines. Donc pour arrêter cette espèce de cadence des machines. On ne tenait pas la cadence. C'est ça, ce sabotage. Et puis après, sabotage, il y a une autre expression qui est très intéressante, qui montre bien aussi comment c'est une forme de résistance aux normes de civilisation. Ça veut dire racler ses sabots sur le sol pour faire du bruit. Or, quand on marche, dans les normes de civilisation moderne, on ne doit pas faire de bruit en marchant. Si on racle ses sabots, c'est une forme de protestation, d'une certaine manière. Et la Saint-Lundi dont vous parliez, c'est aussi une forme de subversion, parce que au lieu de ne s'arrêter simplement au dimanche pour bien comme jour de repos, eh bien beaucoup d'ouvriers prolongent leur jour d'arrêt jusqu'au lundi. Et il y a quelque chose de festif là-dedans. Et d'insupportable aux grands responsables des grandes usines modernes. Absolument. Alors, évidemment, nous ne sommes pas là dans ce dont vient de parler cette archive. Nous ne sommes pas là sur des chaînes de montage. Ce sont des ouvriers qui travaillent à la tâche, c'est-à-dire qui doivent réaliser complètement une tâche du début à la fin. Et finalement, en sont-ils à une près, hein ? C'est un petit peu ça, la question qu'ils posent. Quand vient le XXe siècle, Laurent Vidal, il y a une invention qui vient à côté du chemin de fer, incarner la vitesse, c'est l'automobile. Je pense par exemple au fameux livre de Paul Morand, qui a tant aimé la vitesse et la voiture automobile, son livre qui s'appelait « L'homme pressé ». C'est exactement l'opposition de vos hommes lents, « L'homme pressé ». C'est un livre de la fin des années 30. Paul Morand et d'autres ont été fascinés dès le début du XXe siècle par la vitesse. On pouvait arriver même à aller jusqu'à 30 ou 40 km à l'heure, ce qui était terrifiant. Oui, mais c'est quelque chose qui est... Parce que la vitesse auparavant, c'était le train. Mais là, la vitesse, elle devient individuelle d'une certaine manière. Donc chacun peut en jouir de manière personnelle et peut faire cette expérience. On trouve beaucoup de descriptions de la voiture. Octave Mirbeau également va... Ah, Octave Mirbeau. Oui, c'est son fameux livre qui s'appelait la 628 E8, le nom d'une automobile. Mirbeau évoquait un plaisir qui se transformait à ses yeux en névrose et qui glorifiait la vitesse névropathique qui emporte l'homme à travers toutes ses actions et ses distractions. Il passe en trombe, pense en trombe, sent en trombe, aime en trombe et vit en trombe. Nous y voilà. Et cette fascination va aboutir quelques années plus tard, eh bien, à cette lecture que feront les futuristes. Quelqu'un comme Marinetti dira qu'une... En Italie, sauf qu'il publie en France son manifeste futuriste dans Le Figaro, disant qu'une voiture lancée à toute vitesse est plus jolie que la victoire de Samothrace. Et il va dénoncer la lenteur coupable des foules, dit-il. Il dénonce cette lenteur en disant le monde de demain, le monde futur, doit être un monde basé sur la vitesse et sur la domination de la vitesse. Ça, c'est l'aboutissement. Cette fois, c'est dit. Autant jusque-là, c'était plutôt... C'est jamais été formulé de manière aussi précise. Mais là, c'est presque l'aboutissement de toute cette longue histoire, ce qu'écrit Marinetti. D'ailleurs, dans la littérature que je peux encore appeler enfantine, peut-être l'œuvre immortelle d'Hergé, œuvre mineure, les aventures de Josette et Joco, le singe Joco, le testament de Monsieur Pump part comme ça du personnage qui est un milliardaire qui est fasciné par la vitesse et qui circule de plus en plus vite sur son circuit avec son automobile. Il finit naturellement par se tuer. Et pour la suite de l'histoire, je vous laisse vous référer à l'œuvre immortelle d'Hergé. On retrouve cette question de la vitesse et des résistances à la vitesse dans les combats sociaux et raciaux des États-Unis d'Amérique. Je pense à cette chanson de Nina Simone, qui date de 1964, et qui contient les mots qui sont restés fameux, « Do it slow », fais-le doucement, quand il s'agit de laver les vitres. Les vitres, fais-le doucement pour ramasser le coton. Fais-le doucement, toi aussi tu as le droit d'être paresseux. Écoutons-la un moment. Don't tell me, I'll tell you. My people just about do. I've been there, so I know. You keep on saying, go slow. Well, that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. You're too damn lazy, you're thinking it's crazy. Where am I going? What am I doing? I don't know, I don't know. Just try to do your very best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about. C'est vous, Laurent Vidal, qui avez souhaité que nous entendions cette chanson. Vous ne la regrettez pas ? Ah, non. C'est une chanson absolument merveilleuse et qui va parfaitement dans cette utilisation de la rupture de rythme. Parce que ici, c'est pas une apologie de la lenteur dont il est question. C'est véritablement de la rupture de rythme comme instrument de lutte, notamment pour la revendication d'égalité de droit. De quoi est-il question dans ce foutu Mississippi, puisque c'est le titre, la traduction qu'on pourrait donner du titre de la chanson. Il est question de ces gens qui vivent dans l'Alabama, dans le Mississippi, enfin des Noirs qui vivent dans les anciennes régions du sud des États-Unis et qui sont constamment confrontés à la permanence du racisme, qui n'arrivent pas à obtenir d'emplois conséquents, et donc qui ne trouvent que par la rupture de rythme, do it slow, faites-le doucement, eh bien, une façon de montrer qu'ils sont présents et qu'ils existent. Donc ce do it slow, c'est un instrument de lutte, et c'est ça. Aussi, je crois que représente cette chanson et cette musique, c'est que, à force d'avoir été corseté dans des mots qui les ont discriminés, eh bien, ces hommes et ces femmes lentes, eh bien, ont compris, ont fini par comprendre qu'ils pouvaient utiliser le changement de rythme comme un moyen de pression, un moyen de résistance ou de réexistence. Il y a une autre catégorie sociale, vous le faites remarquer, Laurent Vidal, qui a utilisé cela semblablement, c'est la catégorie des dockers dans les ports. C'est un sujet d'observation quant aux relations entre le travail et la lenteur. Absolument. Alors, les ports, et notamment les ports du Nouveau Monde, les ports des Amériques, à la fin du 19e siècle, sont des lieux de brassage culturel, de brassage ethnique extrêmement important. On trouve dedans aussi bien d'anciens esclaves qui ne trouvaient plus de travail dans les plantations que de nouveaux migrants venus d'Europe. Et donc, leur expérience du travail, c'est une expérience extrêmement saccadée. Lorsqu'arrive un bateau, il faut le décharger ou le charger. Même chose lorsqu'arrive un train. Et on est recruté uniquement pour la tâche. Et donc, le reste du temps, on attend. On vit donc l'expérience d'un temps saccadé. Et c'est là, dans ces interstices, qu'apparaissent, eh bien, des formes musicales qui vont accompagner ces moments. Plus tard, bien plus tard, on les appellera jazz à la Nouvelle-Orléans, samba à Rio, rumba à la Havane, tango à Buenos Aires. Mais toutes ces musiques et toutes ces formes musicales, elles surgissent dans un même contexte, les ports du Nouveau Monde, du brassage de ces populations, et elles utilisent la syncope de manière systématique comme une forme de cri pour dire, eh bien voilà, nous qui sommes dans les marges, essayons de nous imposer et montrer que nous sommes présents au cœur des sociétés. Car la syncope, c'est ça, c'est prendre un temps faible et le ramener vers le centre. Eh bien, métaphoriquement, ces gens-là viennent vers le centre et leur musique, elles finissent par être adoptées et écoutées par la bourgeoisie de ces populations du Nouveau Monde et bientôt d'Europe. C'est comme ça qu'ils ont réussi d'une certaine manière à montrer qu'ils étaient là, présents, et qu'ils avaient quelque chose à apporter à cette société. J'ai une dernière question à vous poser, Laurent Vidal. Quelle relation faites-vous entre la lenteur et le culte du retard? J'ai toujours été frappé du fait que, comme d'autres, que le président Mitterrand, par exemple, arrivait très souvent en retard. On pouvait lire cela comme une forme de liberté, ne pas être dépendant du temps. Alors, oui, être maître des horloges, d'une certaine manière, c'est comme ça. L'État alors, maître des horloges. La lenteur n'est pas le retard. La lenteur, c'est simplement, à un moment donné, cette capacité à savoir changer de rythme et dire que cet autre rythme et la vie que l'on peut avoir à cet autre rythme est une vie tout aussi pleine et tout aussi utile socialement que celle dont on nous présente que aujourd'hui avec l'accélération qui devrait être la norme sociale. Donc c'est ça la lenteur. Alors si à un moment donné le retard va apparaître comme une possibilité de montrer qu'on emploie autrement son temps, oui, mais ce n'est pas la même chose. Eh bien, ce dernier mot me convient très bien. Laurent Vidal, votre livre sur lequel nous avons largement fondé notre conversation s'intitule « Les hommes lents », je le rappelle, « Les hommes lents résistaient à la modernité, 15e, 20e siècle ». Il vient de paraître chez Flammarion. Je signale aussi le livre d'André Roche qui s'appelait « Paresse, histoire d'un péché capital », paru chez Armand Collin en 2013, je l'avais reçu naguère. Celui de Hélène Leuillet, une philosophe, qui s'appelle « Éloge du retard » et qui peut nourrir la réflexion que vous venez de nous proposer, paru chez Albin Michel tout récemment. Et puis je voudrais rendre hommage aussi à un livre que nous avons été nombreux à apprécier, que vous avez consacré à une présence brève des Français au Brésil. Ils ont rêvé d'un autre monde. C'était paru chez Flammarion, dans la collection Au fil de l'histoire en 2014. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'un groupe d'à peu près 500 Français qui sont partis dans les années 1840 fonder une communauté utopique. Et comme je considère qu'on ne naît pas utopiste, je me demandais déjà comment fait-on pour rencontrer ce projet de communauté fourriériste. Et puis pourquoi le Brésil ? Quand on est ouvrier en France, en 1840, ça dit quoi le Brésil ? Voilà. Et donc, j'ai essayé de raconter toute cette histoire depuis la formation véritablement du groupe jusqu'au déplacement, la traversée de l'Atlantique et puis l'installation au Brésil. Eh bien, merci. Vous pourrez trouver, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, une bibliographie complète sur notre site, vous le savez, plus complète avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez télécharger cette émission afin de l'écouter indéfiniment. Samedi prochain, nous parlerons de l'érotisme au Japon. Raffinement, fascination. J'inviterai le professeur très sage et très informé qui est Pierre-François Souiri. Lundi matin, vous retrouverez, je le rappelle avec plaisir, le cours de l'histoire de notre confrère Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine aux animaux. Nous avons parlé de l'âne et de l'escargot. Je ne sais pas s'ils reviendront dans cette émission. En tout cas, cette série s'appelle « Les animaux et nous, histoire d'une relation ». Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Vous avez entendu Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Nasser Moussaoui, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Marie Chauveau. Et dans quelques instants, vous allez, comme chaque samedi, retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères. Desegregation. Participation, unification, do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me my